Le lendemain, à 10 heures, on sonna à ma porte et, s'inclinant jusqu'à terre, le délivré négrillon fit entrer Lord Charlesbury. « Vous êtes prêt ? C'est parfait !» dit le patron en me serrant la main. « J'ai examiné hier les objets que vous avez apportés et les ai trouvés en excellent état. Je vous remercie de votre attention et de vos bons soins. » En conscience, Milord, 3/4, sinon plus de ces remerciements, doivent aller à Mr. Nidson. « Oui, c'est un excellent homme et un fidèle ami. » approuva Lord Charlesbury dans un clair sourire. « Maintenant, si vous le voulez bien, nous passerons dans le laboratoire. » Nous nous dirigeâmes vers une sorte de tour ronde, massive, couronnée de la coupole blanche qui la veille avait frappé ma vue au sortir du tunnel. Sans quitter nos par-dessus, nous traversâmes une petite antichambre qu'une lampe électrique éclairait faiblement et nous nous trouvâmes ensuite dans une complète obscurité. Mais j'entendis Lord Charlesbury tourner un commutateur et une lumière éclatante illumina soudain une immense salle ronde, dominée par une coupole régulièrement sphérique, haute d'une 15 mètres. Au centre de la salle se dressait un réduit vitré, semblable à ceux que l'on élève depuis quelque temps à l'usage du personnel médical dans les cliniques universitaires, en cas d'opération grave et compliquée, exigeant une méticuleuse propreté et une parfaite désinfection de l'air. De ce cabinet, rempli d'objets étranges et à moi inconnus, s'élevaient 3 solides cylindres de cuivre. À 2 hauteurs d'homme, chacun de ces cylindres se ramifiait en 3 tuyaux d'un plus large diamètre. Ceux-ci, à leur tour, se triplaient, et les massives extrémités des derniers tuyaux de cuivre s'appuyaient sur le sommet cintré de la coupole. Une multitude de manomètres, de leviers, de manivelles en acier rond ou droite, de grosses vis, de fils conducteurs et de presses hydrauliques complétaient l'installation stupéfiante de ce singulier laboratoire. De raides escaliers en spirale, des piliers, des poutrelles en fer, d'étroites passerelles aériennes à balustrade légère, d'énormes globes électriques, de grosses courroies en gutta-percha, et de longs tuyaux de cuivre pendant de ci de là, tout cela se mêlait, s'enchevêtrait, fatiguait les yeux, produisait une chaotique impression. Comme devinant mes pensées, Lord Charlesbury commença fort tranquillement. Lorsqu'on se trouve pour la première fois en présence d'un mécanisme inconnu, comme celui d'une montre ou d'une machine à coudre, sa complexité décourage. Le premier jour où j'aperçus une bicyclette démontée, il me sembla que le plus habile mécanicien ne pourrait jamais en rassembler les pièces. Pourtant, au bout d'une semaine, je la démontais et la reconstituais moi-même et admirais la simplicité de sa construction. Ayez la bonté d'écouter patiemment mes explications. Dès que vous ne comprendrez pas quelque chose, ne vous gênez pas de me poser toutes les questions que vous voudrez. Cela ne pourra m'être qu'agréable. Comme vous le voyez, le toit de cet édifice est percé de 27 ouvertures rapprochées les unes des autres. Dans ces ouvertures s'embouchent les cylindres que vous apercevez tout en haut et dont les extrémités extérieures sont serties de lentilles biconvexes, d'une énorme puissance réceptive et d'une admirable transparence. Sans doute comprenez-vous dès maintenant l'idée. Nous captons dans les foyers les rayons du soleil. Puis grâce à une série de miroirs et de lentilles construits d'après mes plans et mes calculs, nous les faisons passer, tantôt rassemblés, tantôt dispersés, à travers tout le système de tuyaux. Les tuyaux inférieurs déversent ensuite le flux solaire concentré, ici sous cette cloche isolante, dans ce cylindre en acier en vanadium, le plus petit et le plus solide de tous, dans lequel fonctionne un système de pistons munis d'obturateurs semblables à ceux des appareils photographiques et qui, une fois fermés, ne laissent passer absolument aucune lumière. Enfin, sur l'extrémité libre de ce cylindre protégé, je visse hermétiquement un récipient en forme de cornue, dont le goulot renferme également plusieurs obturateurs. Quand besoin est, je fais cesser l'action des obturateurs, puis, de l'intérieur, j'introduis mécaniquement un bouchon à vis dans le goulot de la cornue et n'ai plus qu'à dévisser celle-ci du cylindre pour avoir un stock portatif d'émanations solaires concentrées. Alors, Hooke, Euler et Young ? Oui, interrompit Lord Charlesbury, aussi bien eux que Fresnel, Cauchy, Malus, Huygens et même le grand Arago. Tous se sont trompés. En considérant les phénomènes lumineux comme un des états du fluide universel. Je vous en donnerai dans 10 minutes une preuve éclatante. C'est ce vieux sage de Descartes et le divin Newton, ce génie des génies qui avait raison. Les travaux de Biot et de Brewster, en ce sens, n'ont fait que confirmer mes suppositions et corroborer mes expériences, bien après que je les eusse commencées. Oui, j'ai maintenant la certitude, et vous la partagerez bientôt, que la lumière du soleil est un torrent compact de corpuscules élastiques, balles minuscules, qui roulent dans l'espace avec une force et une énergie effroyables, traversant dans leur élan la masse du fluide universel. Mais abandonnons pour l'instant la théorie et laissez-moi vous montrer les manipulations que vous devrez opérer tous les jours. Sortons. Une fois dehors, nous grimpâmes par un escalier hélicoïde jusqu'au toit sphérique de la coupole et atteignîmes une légère galerie ajourée qui le contournait en spirale. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir les uns après les autres tous les couvercles que protègent ces délicates lentilles de la poussière, de la neige, de la grêle et des oiseaux, me dit Lord Chalsbury. D'autant plus que ce travail épuiserait un athlète. Une simple pression sur ce levier et les 27 obturateurs tournent sur leur rainure circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre suivant le procédé classique de dévissage. En ce moment, les obturateurs sont libres de pression. Appuyez sur cette petite pédale. Voilà, maintenant, regardez. Clac. Les 27 couvercles, dans un claquement métallique, se redressèrent, découvrant les lentilles qui scintillèrent sous les feux du soleil. Chaque matin, Mr. Dibble, continua le savant, vous devrez ouvrir les lentilles et les essuyer soigneusement avec une peau de chamois d'une irréprochable propreté. Voici comment il faut s'y prendre. Et avec l'adresse d'un ouvrier spécialiste, il se mit attentivement, presque amoureusement, à frotter les lentilles au moyen d'une peau de chamois qu'il tira de sa poche de côté enveloppée dans du papier de soie. Descendons maintenant, je vous initierai à vos autres fonctions. Quand nous fûmes rentrés dans le laboratoire, il reprit ses explications. Vous devez ensuite capter le soleil. À cet effet, vous vérifiez chaque jour à midi ces deux chronomètres sur le soleil. Je les ai vérifiés hier. Vous connaissez le procédé, n'est-ce pas? Vous regardez l'heure et déterminez le temps moyen. 10 heures, 31 minutes, 10 secondes. Voici 3 leviers courbes. Le plus grand, pour les heures, le moyen, pour les minutes, le petit, pour les secondes. Faites attention. Je tourne le grand levier jusqu'à ce que l'aiguille de l'indicateur marque 10 heures. Voilà. Je place le second, quelque peu en avance, sur 36 minutes. Et j'amène le petit, pure fantaisie personnelle, sur 50 secondes. Maintenant, j'introduis ce bouchon à broche dans cette prise de courant. Entendez-vous des rouages grincer sous vos pieds? C'est que mon geste a mis en branle un mouvement qui contraint le laboratoire et tout ce qu'il contient, coupole, instrument, lentilles, et nous deux y compris, à suivre infailliblement la marche du soleil. Regardez le chronomètre. Nous approchons de 10h30. Encore 5 secondes. Nous y sommes. Vous remarquez que le mouvement d'horloge émet un autre son. C'est que les rouages des minutes commencent à fonctionner. Encore quelques secondes. Attention, voici le moment. Ce nouveau son scande distinctement les secondes. C'est fini. Le soleil est capté. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le mouvement d'horloge est trop volumineux et trop rudimentaire pour que son exactitude soit absolue. Aussi, devez-vous avoir l'œil sur ce cadran qui en indique la marche. Voici les heures, les minutes, les secondes, et voici le régulateur avance, retard. Et d'après ces chronomètres, dont l'exactitude est prodigieuse, vous régularisez le plus souvent possible tout le mouvement giratoire du laboratoire à 1/10 de seconde près. Nous avons donc capté le soleil. Mais ce n'est pas tout. Il faut que la lumière pénètre à travers le vide. Autrement, elle échaufferait et liquéfierait tous nos instruments. Or, dans des membranes hermétiquement closes, dont tout l'air a été pompé, la lumière se trouve presque à l'état aussi froid que lorsqu'elle traverse les espaces interplanétaires en dehors de l'atmosphère terrestre. En conséquence, regardez bien, voici le bouton d'une bobine électromagnétique. Chacun des cylindres en forme un tampon à l'émeric contigu à une lame d'acier embobinée de fil de fer. J'appuie sur le bouton et j'ouvre le courant. Toutes les lames sont immédiatement aimantées et les tampons sortent de leur douille. Maintenant, au moyen de ce levier en cuivre, je mets en action une machine pneumatique dont les tuyaux sont, comme vous le voyez, adaptés à chacun des cylindres. Les moindres parcelles de poussière sont pompées en même temps que l'air. Regardez le manomètre F. Vous y verrez un trait rouge, c'est le maximum de pression. Collez l'oreille au tuyau acoustique relié en bas à la pompe. Le sifflement a cessé. Le manomètre a atteint le trait rouge. Fermez le courant en appuyant une seconde fois sur le même bouton. Les lames en acier sont désaimantées. Les tampons, obéissant à la force aspirante du vide, s'encastrent de leur douille conoïdale. Maintenant, la lumière traverse un vide à peu près absolu. Mais pour la précision de notre travail, cela est encore insuffisant. Aussi transformons-nous notre laboratoire en une cloche privée d'air. D'ici peu, nous devrons travailler en scaphandre. On nous enverra de l'extérieur, dans des tuyaux de caoutchouc, un air sans cesse renouvelé, tandis que de puissantes pompes aspireront continuellement l'air contenu dans le laboratoire. Saisissez-vous. Vous serez dans la position d'un plongeur, avec cette différence toutefois que vous aurez sur le dos un ballon d'air concentré. En cas de catastrophe, accident de machine, éclatement des conduits de transmission, etc., vous appuyez sur une petite soupape du casque et vous avez suffisamment d'air pour respirer pendant un quart d'heure. Pourvu que vous ne perdiez pas la tête, vous sortez du laboratoire frais et pimpant comme une rose de Dijon. Il ne nous reste plus qu'à vérifier le plus exactement possible la position des tuyaux. Ils sont tous solidement fixés les uns aux autres, mais au point de jonction des ramifications, une flexibilité insignifiante de 2 à 3 mm peut amener une déviation. Ces points sont au nombre de 13 et vous devez les contrôler tous du haut en bas 3 fois par jour. Montons, s'il vous plaît. En escaladant des 3 escaliers de flexibles passerelles, nous parvînmes jusqu'au haut de la coupole. Le maître marchait en avant d'un pas jeune et assuré, tandis que j'avais peine à le suivre par manque d'habitude. Au point de jonction des 3 premiers tuyaux, il dévissa d'un tour de main un petit couvercle qui se dressa verticalement sur un arrêtoir à ressort. Le fond de ce couvercle consistait en un solide miroir d'argent, admirablement poli, sur le contour duquel étaient gravées des divisions et des chiffres. 3 raies parallèles d'un or vif, fines comme des rayures de télescope, presque contiguës les unes aux autres, coupaient la surface lisse du miroir. Voilà un petit puits qui nous permettra de surveiller secrètement le courant de lumière. Les 3 raies sont 3 reflets de 3 miroirs intérieurs. Réunissez-les en une seule. Non, faites-vous-même. Voyez, ces 3 bis microscopiques vous permettent de changer la position des lentilles. Voici une très forte loupe. Réunissez les 3 raies lumineuses en une seule, de manière à ce que le rayon unique ainsi formé tombe sur 0. C'est un travail fort simple. Vous l'exécuterez bientôt en une minute. En effet, le mécanisme se montra fort docile et au bout de 3 minutes, je réussis, sans presque toucher aux vis délicates, à réunir les raies lumineuses en une ligne très prononcée, d'un éclat difficile à soutenir, et à l'introduire dans l'incision pratiquée sous le 0. Pour vérifier les 12 autres puits de contrôle, l'aide de Lord Chelsbury me fut inutile. Je réussissais chaque fois de mieux en mieux. Mais dès le second étage, l'éclat de la lumière m'offusqua tellement la vue que des larmes me roulèrent le long des joues. « Mettez ces conserves, » dit le patron en me tendant un étui. Mais quand nous eûmes pénétré dans la chambre isolante pour vérifier le dernier cylindre, je dus y renoncer, mes yeux ne pouvant plus résister. « Prenez des lunettes plus sombres, » dit Lord Chelsbury. « J'en ai jusqu'à 10 numéros en réserve. » Nous en chasserons tantôt dans le cylindre principal les lentilles crues que vous avez apportées, et alors la vérification sera 3 fois plus difficile. Parfait. C'est cela. Je vais mettre en marche les pistons intérieurs. J'ouvre le robinet de la pompe hydraulique, système Natterer. J'ouvre un autre robinet à acide carbonique liquide. À l'intérieur du cylindre, la température atteint maintenant 150 degrés, et la pression 20 atmosphères, ainsi qu'en font foi, pour l'une le manomètre et pour l'autre, ce thermomètre Witkowski, perfectionné par votre serviteur. En ce moment, la lumière traverse l'axe du cylindre sous forme de flux compact, d'une éblouissante splendeur et de la grosseur d'un crayon. Le piston mis en marche par le courant électrique ouvre et referme son obturateur intérieur dans l'espace d'un 100 millième de seconde, c'est-à-dire presque en un moment. Le piston projette la lumière à travers une petite lentille fortement convexe, d'où le flux lumineux ressort encore plus compact, plus fin et plus éclatant. Le cylindre renferme 5 pistons et 5 lentilles de cette nature. Sous la pression du dernier piston, le plus petit mais le plus solide de tous, le flot lumineux, devenu aussi fin qu'une aiguille, s'enfonce dans le récepteur en passant successivement à travers les 3 obturateurs ou plus exactement les 3 écluses de cet appareil. Voilà les bases de mon collecteur de soleil liquide, conclut solennellement le maître. Afin de dissiper en vous toute ombre de doute, nous allons procéder à une expérience. Pressez le bouton A, le piston s'arrête. lever ce levier de cuivre. Les couvercles extérieurs s'abaissent sur les lentilles réceptrices de la coupole. Tournez jusqu'au bout à droite cette grosse vis rouge et abaissez la poignée C. La pression et l'afflux d'acide carbonique cessent. Il n'y a plus qu'à dévisser intérieurement la cornue en tournant 10 fois ce petit levier rond. Tout est fini, mon cher. Regardez bien comment il faut dévisser du cylindre le récipient. Le voici. Il ne contient pas plus de 20 livres. Ses obturateurs intérieurs s'isolent au moyen de vis microscopiques extérieures. J'ouvre dans toute la largeur le premier de ces obturateurs, le plus grand, puis le second. Quant au dernier, je ne l'entr'ouvre que d'un diamètre égal à la moitié d'un micron. Mais auparavant, allez, je vous prie, fermez l'interrupteur de l'éclairage électrique. J'obéis. Une impénétrable obscurité envahit la salle. « Attention !» me cria Lord Shaftesbury à l'autre bout du laboratoire. « J'ouvre !» Une extraordinaire lumière dorée, quasi fantastique, se répandit soudain dans la salle, éclairant doucement mais distinctement les murs, les appareils et la figure du maître. Au même instant, je sentais sur mon visage et mes mains une sorte de souffle chaud. Ce phénomène ne dura guère qu'une seconde et demie, et de nouveau, une profonde obscurité me scella tous les objets. « Allumez !» commanda Lord Shaftesbury, et je l'aperçus sortant du réduit vitré. Son visage pâle respirait le bonheur et la fierté. « Ce ne sont que les premiers pas, les premiers essais d'écoliers, les premières semences, » me dit-il en s'animant. « Ce n'est pas encore du soleil condensé en gaz, mais seulement une substance impondérable rendue compacte. Pendant de longs mois, j'ai comprimé le soleil dans mes réservoirs, mais le contenu d'aucun d'entre eux n'est devenu plus lourd que l'extrémité d'un cheveu. Vous avez vu cette lumière délicieuse, égale, caressante. Croyez-vous maintenant à ma découverte ?»« Oui, » répondis-je avec une chaude conviction. « J'y crois et je m'incline devant la sublimité du génie humain. Nous irons tous deux beaucoup plus loin. Nous amènerons la température intérieure du cylindre à moins 275 degrés au zéro absolu. Nous augmenterons la pression hydraulique jusqu'à 1000, 20, 30 000 atmosphères. Nous remplacerons nos lentilles réceptrices de 20 cm par d'autres de 1,30 m. Nous liquéfierons, d'après un procédé trouvé par moi, des kilos entiers de diamants. Nous les fondrons en lentilles de la courbure voulue que nous enchâsserons dans nos tubes conducteurs de lumière. Peut-être ne vivrai-je pas jusqu'à l'époque où l'on pourra comprimer les rayons solaires jusqu'à liquéfaction, mais je crois, je sens, que je les condenserai jusqu'à l'état gazeux. Si jamais je vois le fléau de la balance électrique s'incliner, ne fût-ce que d'un millimètre à gauche, ma joie n'aura pas de borne. Mais le temps passe. Allons déjeuner, et cet après-midi nous mettrons en place les lentilles de diamant. Demain, nous nous entraînerons au travail. La première semaine, vous ne serez auprès de moi qu'un simple ouvrier, un docile exécutant. La semaine suivante, nous changerons de rôle. La troisième, je vous donnerai un aide, auquel vous enseignerez en ma présence la manipulation de tous les appareils. Alors je vous laisserai pleine liberté d'action. J'ai confiance en vous, conclut-il en me tendant la main et en souriant d'un charmant et séduisant sourire. J'ai conservé un souvenir très exact de cette soirée du dîner chez Lord Shaftesbury. Lady Shaftesbury portait une robe de soie ponceau. Ses lèvres rouges tranchant sur son visage pâle et légèrement fatigué flamboyait comme une fleur pourpre, comme un charbon ardent. Jamais je ne vis, ni auparavant ni plus tard, de monde riche plus beau, plus frais, plus élégant, tandis que je me sentais exténué sous l'afflux des multiples sensations de la journée. Je crus d'abord qu'il se cantonnerait ce soir-là dans le rôle difficile, mais qui devait lui être familier d'observateur. Cependant, Lady Shaftesbury s'aperçut que l'électricien avait le bras droit bandé au-dessus du poignet. De Monderic expliqua fort modestement qu'une courroie de transmission trop faiblement tendue s'était détachée de l'arbre de couche et lui avait, en tombant, égratigné le bras. Ce fut lui qui, pendant toute la soirée, dirigea la conversation, avec beaucoup de tact d'ailleurs. Il parla de ses voyages en Abyssinie, où il avait cherché l'or dans les vallées montagneuses voisines du Sahara, de ses chasses aux lions en Afrique et aux renards en Angleterre, des dernières courses d'Epsom, et de l'écrivain Oscar Wilde, dont la vogue commençait alors et avec lequel il était lié. Ses récits étaient vraiment épiques, très fort rares et que je n'ai jamais, je crois, rencontrés chez aucun autre causeur. En racontant, Il ne se mettait jamais en scène, et pourtant sa personnalité, volontairement laissée dans la pénombre, s'éclairait toujours mystérieusement de teintes tantôt tendres, tantôt héroïques. Il ne posait plus maintenant sur Lady Chasbury que de rares regards caressants et langoureux, décochés de dessous les longs cils baissés, tandis qu'elle ne pouvait détacher de lui ses yeux sombres et énigmatiques qui suivaient tour à tour les mouvements de la tête, des mains, des lèvres et des yeux du jeune homme. Chose étrange, elle me rappela ce soir-là ce jouet enfantin. Dans une cuvette nage un poisson ou un canard de fer blanc, un bout de fer fiché dans le bec, et se laisse docilement entraîner par la baguette aimantée qui de loin l'attire. Plus d'une fois, j'interrogeai anxieusement le visage de notre hôte, mais je n'y remarquai qu'une expression de joyeuse sérénité. Après dîner, Lady Chasbury fut la première à proposer à de Monderic une partie de billard. Ils gagnèrent le fumoir et le maître m'entraîna dans son cabinet. « Voulez-vous jouer une partie d'échecs ?» me demanda-t-il. « Avec plaisir, bien que je ne sois qu'un médiocre joueur. »« Parfait. Et ce faisant, nous viderons une bouteille de bon vin. » Il pressa le bouton de la sonnette. « À quel propos ?»« En votre honneur. Je crois avoir trouvé en vous un excellent collaborateur, et s'il plaît au sort, le continuateur de mon œuvre. Oh, Milord ! Attendez. Quelle boisson préférez-vous ? J'avoue à ma honte ne pas m'y connaître. Alors je m'en vais vous en nommer quatre, que j'adore. Les vins de Bordeaux, le Porto, l'Ale Cosello, et une que je déteste, le vin de Champagne. Respectable Sambo, ordonna-t-il au maître d'hôtel qui attendait silencieux, apportez-nous une bouteille de Château La Rose. À mon grand étonnement, Lord Chasbury jouait mal. Je le fis rapidement mat. Après la première partie, nous cessâmes de jouer et nous reparlâmes de nos impressions de la matinée. « Écoutez, mon cher Dibble, me dit Lord Chasbury en posant familièrement sur la mienne sa petite main énergique et brûlante. Vous n'êtes pas sans avoir entendu dire qu'il suffisait d'un premier regard pour se former sur quelqu'un une opinion exacte. À mon avis, cette assertion est fausse. J'ai eu plus d'une occasion d'observer des gens à mine patibulaire, vous verrez dans quelques jours celle de votre assistant, qui étaient pourtant d'honnêtes gentlemen et de fidèles amis. D'autre part, il n'est pas rare qu'un visage séduisant, une respectable chevelure blanche et d'honnêtes discours servent de paravent un affre gredin devant qui le premier apache venu fait figure de tendre mouton au cou noué d'une faveur rose. Aussi, vous me voyez en ce moment dans une grande perplexité. Ne pourriez-vous m'aider à la dissiper ? Mr. de Monderic ignore encore totalement le but et l'importance de mes expériences. Il m'est allié par sa mère. Mr. Nitson, qui le connaît depuis l'enfance, m'a fait savoir dernièrement que ce garçon se trouvait dans une passe particulièrement difficile. Ce n'était pas une question d'argent. Je lui ai immédiatement offert de me rejoindre ici, et l'empressement avec lequel il a accepté ma proposition prouve que sa situation était vraiment critique. On m'a dit bien des choses sur son compte, mais je n'ajoute foi ni au bruit ni au commérage. Il m'a produit l'impression de n'en produire aucune. Peut-être n'ai jamais vu d'individu pareil à lui, et cependant il me semble en avoir connu des millions de semblables. Je l'ai vu à l'œuvre tantôt, il me paraît capable, habile, ingénieux et travailleur. En outre, il est intelligent, énergique, bien élevé, et ne serait, je crois, déplacé dans aucune société. Et cependant, une étrange hésitation me retient. Mon cher monsieur Dibble, dites-moi franchement ce que vous pensez du personnage. Cette question imprévue me décontenança. À franchement parler, j'étais loin de m'y attendre. Je ne sais que vous dire, Milord. Je le connais probablement moins que vous et Mr. Nitson. Je l'ai vu pour la première fois à bord de la Croix du Sud et n'ai eu, pendant notre voyage, que fort peu de rapport avec lui. Je dois vous dire que j'étais malade pendant presque toute la traversée. Cependant, nos courtes rencontres et conversations m'ont laissé à peu près la même impression qu'à vous, Milord. Ingéniosité, énergie, éloquence, grande érudition, et avec tout cela, mélange bizarre et sans doute très rare, cœur sec et tête chaude. Parfait, Mr. Dibble, parfait. Respectable Sambo, apportez-nous une seconde bouteille de vin et vous pourrez vous retirer. Je n'attendais guère de vous une autre caractéristique, mais cela ne lève point mes scrupules. Dois-je ou non lui révéler les secrets dont vous avez été aujourd'hui le témoin et le confident ? Supposez qu'au bout d'un an ou deux, ou même plus tôt, ce dandy, ce belâtre, cet ami des femmes, ne puisse plus tenir sur ce volcan désert. Je doute que dans ce cas, il vienne me demander l'autorisation de partir. Un beau matin, il fera ses paquets et déguerpira sans tambour ni trompette. Je serai privé d'un collaborateur précieux et chose plus grave. Je ne suis pas sûr qu'une fois de retour sur l'ancien continent, il ne se laisse aller à bavarder. Craignez-vous donc les bavardages, Milord ? Oui, je l'avoue en toute sincérité. Je redoute le bruit, la réclame, l'invasion des intervieweurs. Je crains qu'un de ces critiques scientifiques, ignorants mais influents, qui seront célèbres en dénigrant systématiquement les idées nouvelles et les entreprises audacieuses, ne dénature mon idée aux yeux du public, ne la lui représente comme une lubie d'inventeur, comme un délire de maniaque. Je crains surtout que quelque envieux et familier craté ne s'approprie ma théorie, en prétextant, comme on en connaît mille exemples, une coïncidence fortuite de découverte. Je crains qu'il n'habilisse, ne ravale et ne salisse ce que j'ai enfanté dans la douleur et l'enthousiasme. Vous me comprenez, Mr. Dibble ? Parfaitement, Milord. Si cela arrive, mon œuvre et moi nous périrons. D'ailleurs, mon pauvre moi pèse peu en comparaison de l'idée. Je suis sûr que le premier soir, ou dans l'une des immenses salles de conférence de Londres, je ferai éteindre l'électricité et éblouirai 10 000 auditeurs choisis en déversant sur eux des flots de lumière solaire dont l'éclat fera ouvrir les fleurs et chanter les oiseaux. Ce soir-là, je recueillerai sans peine 1 milliard pour mener à bien mes recherches. Mais, comme je vous l'ai dit, un hasard, une bagatelle, une erreur insignifiante peuvent être fatales à la plus belle et la plus désintéressée des œuvres. C'est pourquoi je vous demande votre avis, dois-je me confier à Mr. de Monderic ou le laisser dans l'ignorance de mes projets ? C'est un dilemme dont je ne puis sortir sans être conseillé. D'une part, j'ai à redouter un scandale et le krach de mon entreprise, mais d'autre part, ma méfiance est le plus sûr moyen de faire naître en lui des sentiments de dépit et de vengeance. Une réponse toute simple me vint aux lèvres. Envoyez dès demain, avec tous les honneurs qui lui sont dus, ce bon Narcisse à tous les diables, et vous recouvrerez immédiatement votre tranquillité. Je regrette fort qu'une imbécile délicatesse m'ait empêché de donner ce bon conseil et me fait répondre avec une froide correction. J'espère, Milord, que vous ne vous fâcherez pas si je ne prends pas sur moi de trancher une question aussi délicate. Lord Shaftesbury me regarda fixement, secoua tristement la tête et dit avec un sourire chagrin « Finissons ce vin et passons dans la salle de billard. J'ai envie de fumer un cigare. » En entrant dans le fumoir, nous aperçûmes de Monderic debout, les coudes appuyés sur le billard, pérorant avec animation. Lady Shaftesbury, adossée au manteau de la cheminée, riait aux éclats. Cela me frappa bien plus que si je l'avais vu pleurer. Shaftesbury s'était enquis des motifs de cette gaieté. De Monderic raconta une seconde fois l'histoire d'un snob vaniteux qui, ayant acheté par désir d'originalité un léopard apprivoisé, était ensuite resté 3 heures perché sur son toit par peur de l'animal. Le patron éclata à son tour d'un rire enfantin. Tandis que les plus petits détails des 2 premières journées passées sur le Cayambe surgissent dans ma mémoire avec un relief extraordinaire, le reste de mon séjour se perd dans une brume dont l'épaisseur augmente à mesure que le dénouement approche. C'est donc à bon droit que j'ai maintenant recours à mon carnet de notes. L'eau de mer en a rongé les premiers et derniers feuillets et s'est même attaqué aux pages du milieu. Cependant, je puis, bien qu'avec peine, en reconstituer certains passages. Les voici. 11 décembre. Aujourd'hui, Lord Shaftesbury et moi sommes descendus à Quito, à dos de mulet, chercher des tubes de cuivre galvanisé. En cours de route, je manquis, ce n'était point de ma part vaine curiosité, des moyens sur lesquels nous pouvions compter pour continuer nos expériences. Lord Shaftesbury, qui m'a, je crois, accordé depuis longtemps sa confiance, se retourna brusquement sur sa selle et me demanda à brûle-pourpoint « Au fait, vous connaissez Mr. Nitson ?»« Certes, Milord. Quel excellent homme, n'est-ce pas ?»« Excellent. » »« Pourtant, en affaires, il se montre plutôt raide et quelque peu pédant. »« Oui, Milord. » »« Mais il connaît aussi des élans d'enthousiasme et même d'exaltation. » »« Vous êtes observateur, Mr. Dibble. » »« Sachez donc que depuis 20 ans, cet original croit mon idée comme un mahométan à sa Kaaba. » Il s'acquitte sans aucune rémunération de toutes les commissions dont je le charge. Bien plus, il a récemment mis à ma disposition tous ses capitaux, me priant d'en disposer à ma guise en cas de besoin. et je suis persuadé qu'il n'est pas le seul original de la vieille Angleterre. Courage donc. 12 décembre. Pour la première fois, Lord Shaftesbury m'a fait remarquer la force motrice du mécanisme d'horloge qui contraint le laboratoire à suivre la marche du soleil. C'est une invention à la fois naïve, simple et ingénieuse. Sur la pente du cratère du volcan éteint, glisse, le long de rails posés à pic presque perpendiculairement, un monolithe de basalte d'au moins 3 tonnes, enchaîné à un câble d'acier de la grosseur d'une cuisse. C'est ce poids qui fait fonctionner le mécanisme. Sa descente dure exactement 8 heures, et chaque matin une vieille mule aveugle le remonte sans le moindre effort à l'aide d'un autre câble et d'un système de poulies. 20 décembre. Après le dîner, j'ai passé la soirée dans la serre en compagnie de Lord Shaftesbury, parmi le parfum enivrant des narcisses, des orangers et des tubéreuses. Depuis quelques jours, le patron a beaucoup maigri, et ses yeux ont commencé à perdre dans leur éclat juvénile. J'attribue cette fatigue à nos excès de travail de ces derniers temps. Je suis certain qu'il ne devine rien. Détournant à sa coutume la conversation sur un sujet inattendu, il m'a soudain déclaré « Notre œuvre est la plus désintéressée et la plus honnête du monde. Songer au bonheur de ses enfants ou de ses petits-enfants n'est qu'une forme bien naturelle de l'égoïsme. Mais vous et moi, nous préparons la félicité de générations si éloignées qu'elles ignoreront, je ne dis pas nos humbles personnalités, mais nos poètes, nos rois, nos conquérants, nos langues et nos religions, et jusqu'au nom de nos pays. C'est dans ce pur dévouement, un lointain avenir, que je puise ma confiance, mon orgueil et ma force. » 3 janvier. Je suis allé tantôt à Quito prendre livraison de caisses arrivées de Londres. Mes relations avec Mr. de Monderic deviennent froides et presque hostiles. Février. Nous avons enfermé aujourd'hui nos tuyaux dans des gaines contenant des réfrigérants. Le mélange d'eau et de sel donne moins 21 degrés, celui d'éther et d'acide carbonique solidifié moins 80 degrés, la vapeur d'acide carbonique moins 130 degrés. Quant à la pression atmosphérique, nous pouvons, je crois, la développer à l'infini. Avril. Mon assistant commence sérieusement à m'intéresser. C'est un slave, russe ou polonais, je ne sais, mais en tout cas anarchiste. Il ne manque pas d'instruction, connaît bien l'anglais, mais préfère, il me semble, ne parler aucune langue et se taire. Grand, maigre, légèrement voûté, il porte les cheveux longs et tombe en droit sur le visage, ce qui donne à son front la forme d'un trapèze rétréci du sommet. Son nez retroussé a d'énormes narines velues, béantes, mais extrêmement nerveuses. Une audace folle brille dans ses yeux gris clairs. Il écoute et comprend toutes nos conversations sur le bonheur des générations futures et sourit souvent d'un sourire condescendant qui me rappelle la grimace d'un vieux bulldog surveillant les ébats de Toy Terrier. Mais, j'en ai la conviction, son adoration pour le maître est infinie. Mon collègue de Monderic agit tout autrement. Il affiche souvent pour l'idée du soleil liquide un enthousiasme si artificiel que je rougis de honte et le soupçonne fort de se moquer du patron. Mais l'homme ne l'intéresse pas. Et en présence de Lady Shaftesbury, il oublie par trop le respect dû au mari et à l'hôte, agissant cela contre tout bon sens et toute prudence, sous l'empire d'une volonté altérée, peut-être même de la jalousie. Mais vivent à jamais ces 3 Polonais de talent, Wróblewski, Lzewski, Witkowski et le continuateur de leurs expériences, Dewar. Aujourd'hui, nous avons réussi en liquéfiant de l'hélium et diminuant soudain la pression à abaisser à moins de 172 degrés la température du cylindre principal. Le fléau de la balance électrique s'est pour la première fois incliné non pas d'un, mais de 5 mm. Dans le silence et la solitude, je m'agenouille devant vous, mon cher et vénéré maître. 26 juin. De Monderic semble croire maintenant au soleil liquide en toute sincérité, sans doucereuse flagornerie ni exaltation factice. Tout au moins, a-t-il laissé échapper pendant le dîner une phrase surprenante. Selon moi, a-t-il dit, le soleil liquide est destiné à un immense avenir en tant que matière explosive ou comme engin pour les mines et les armes à feu. Je lui répliquai en allemand et sur un ton, je l'avoue, assez grossier. Ce sont la parole de lieutenant prussien. Mais Lord Shaftesbury concilia les choses en concluant doucement, « Nous ne voulons pas détruire, mais créer. » 27 juin. J'écris à la hâte et en tremblant des mains. La nuit dernière, la pause pressée du réfrigérant m'a retenu au laboratoire jusqu'à 2 heures. Je rentrais chez moi par un magnifique clair de lune qui, toutefois, n'éclairait point le sentier que je suivais. Comme j'étais chaussé de bottes chaudes en peau de phoque, mes pas sur la terre couverte de glace n'émettaient aucun son. Presque à ma porte, un bruit de voix m'arrêta. « Entrez, chère Marie, entrez. Ne fût-ce qu'une minute. Pourquoi donc hésitez-vous chaque fois? Vous savez bien pourtant que vos craintes sont chimériques. » Je les aperçus aussitôt éclairées par les vifs rayons de la lune australe. Il la tenait enlacée, et elle penchait docilement sa tête sur son épaule. Oh, comme ils étaient beaux tous deux à cet instant. « Mais votre camarade ?» objecta timidement Lady Charlesbury. « Mon camarade !» repartit le Monderic dans un éclat de rire insouciant. Cette ennuyeuse et sentimentale marmotte se couche chaque soir à 10 heures pour se réveiller à 6. « Marie, ma chère, entrons, je vous en supplie. » Et sans desserrer leur étreinte, ils franchirent le seuil illuminé du rayonnement azuré de la lune. 28 juin, au soir. Ce matin, je suis allé trouver Mister de Monderic et, sans serrer sa main tendue, ni prendre le siège qu'il m'indiquait, je lui ai déclaré tranquillement. « Sire, je dois vous dire ce que je pense de vous. J'estime, sœur, que vous vous conduisez de la plus indigne manière, dans un endroit où nous aurions dû nous dévouer joyeusement, ensemble, au bonheur de l'humanité. Ce matin, j'ai vu en quelle compagnie vous êtes rentré chez vous. Vous m'avez espionné, misérable !» s'écria de Monderic, dont les yeux étincelèrent d'un feu violet comme ceux des chats la nuit. « Non, je me suis trouvé dans la plus désagréable situation qui se puisse concevoir. Si je n'ai pas révélé ma présence, c'est uniquement pour ne pas causer de chagrin à une autre personne que vous. Et ma réserve de cette nuit me donne d'autant plus le droit de vous traiter maintenant que nous sommes seuls à seuls de lâches et de gredins. Vous me rendrez compte de cette injure, les armes à la main ! » vociféra de Monderic en arrachant dans un sursaut de colère le col de sa chemise. « Non, » répondis-je fermement. « Primo, je ne vois pas de motif à ce duel, sauf celui de vous avoir traité de gredin, mais sans témoin. Secondo, l'œuvre à laquelle je consacre toutes mes forces est d'une importance tellement incalculable que j'estime impossible de m'en laisser détourner par votre ridicule pistolet, tant qu'elle n'aura pas été menée à bien. Tertio, ne trouvez-vous pas plus simple d'empaqueter immédiatement vos objets les plus indispensables, de sauter sur la première mule venue et de gagner Quito et de là l'hospitalière Angleterre? À moins, honorable canaille, que vous n'ayez aussi à tenter à l'honneur ou à la bourse de quelques protecteurs. » Il se précipita sur la table et s'empara convulsivement d'une cravache en cuir d'hippopotame. « Je vous resserre comme un chien » hurla-t-il. Je sentis se réveiller en moi ma vieille pratique de boxeur. Sans lui laisser le temps de se reconnaître, je lui surpris d'une feinte du gauche et lui portai du droit indirect à la mâchoire. Il mugit, tourna comme une toupie et un flot de sang noir lui jaillit du nez. Je sortis. 29 juin. Pourquoi n'ai-je pas vu de la journée de Monderic ? M'a tout à coup demandé Lord Charlesbury. Il est indisposé, je crois, répondis-je, les yeux fixés à terre. Nous étions assis tous les deux sur la pente septentrionale du volcan. Il était 9 heures du soir. La lune n'était pas encore levée. À nos côtés se tenaient deux porteurs nègres et mon mystérieux assistant Pierre. Dans l'ombre crépusculaire se dessinaient à peine les lignes menues des fils électriques que nous avions installés pendant la journée. Et sur un grand monticule de pierre reposait le récepteur numéro 6, solidement assujetti au bloc basaltique et tout prêt à mettre en mouvement les obturateurs. « Préparez le cordon, » ordonna Lord Charlesbury. « Roulez la bobine en bas. Je suis trop fatigué, trop ému. Soutenez-moi, aidez-moi à descendre. Il me semble que nous sommes bien ici et que nous ne risquons pas d'être aveuglés. Songez, mon cher Dibble, songez, mon cher garçon, que nous allons à l'instant illuminer le monde de lumière solaire condensée en gaz. Allô ? Allumez le fil !» Le serpent enflammé du coton poudre grimpa rapidement la pente et disparut sur le rebord de l'escarpement au pied duquel nous nous trouvions. Mon ouïe attentive saisit le claquement instantané annonçant la prise de contact et le vrombissement des moteurs. D'après nos calculs, le gaz solaire devait sortir de la cuvette en une série d'explosions continues, environ 6 000 à la seconde. Au même moment, se leva au-dessus de nos têtes un éblouissant soleil. Un bruissement courut dans les feuilles d'arbres, les nuages se colorèrent de tons roses, les toits et les vitres des lointaines maisons de Quito scintillèrent, et nos coques domestiques saluèrent son apparition d'une bruyante fanfare. Et quand la lumière se fut éteinte aussi instantanément qu'elle était apparue, Le maître regarda le secondomètre à l'allure d'une lampe électrique de poche et me dit « La combustion a duré 1 minute 11 secondes. C'est une véritable victoire, Mr. Dibble. Je vous garantis que dans un an, nous remplirons d'immenses réservoirs d'un soleil doré, liquide et épais comme du mercure et le contraindrons à nous éclairer, à nous réchauffer et à faire marcher toutes nos machines. » Quand nous revînmes vers minuit, nous apprîmes qu'aussitôt après notre départ, Lady Charlesbury et Mr. de Monderic avaient fait mine d'entreprendre une promenade et, trouvant un endroit convenu des mules scellées d'avance, avaient pris la fuite dans la direction de Quito. Lord Charlesbury ne broncha pas. D'une voix où ne perçait aucune amertume, mais une douloureuse tristesse, il dit « Ah, pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu? Pourquoi ce mensonge? Comme si je ne voyais pas qu'ils s'aimaient. Je ne les en eusse pas empêchés. » Ici se terminent mes notes. D'ailleurs, si endommagées par l'eau, que je n'ai pu les reconstituer qu'à grand-peine, et ne suis pas tout à fait sûr de leur exactitude. N'est-ce pas toujours ainsi? Plus le dénouement approche, plus confus se font les souvenirs. Pendant 25 jours environ, nous travaillâmes avec acharnement dans le laboratoire, remplissant cuvette sur cuvette de gaz solaire doré. Nous avions trouvé d'ingénieux régulateurs pour nos récepteurs de soleil. Nous avions adapté à chacun de ceux-ci un mouvement d'horlogerie et un remontoir aussi simple que celui d'un réveil matin. En déplaçant de la manière classique les aiguilles indicatrices des 3 cadrans, nous étions à même de recevoir la lumière pendant tout le laps de temps désiré, de prolonger sa combustion ou d'amplifier son intensité, obtenant ainsi, depuis la vive explosion instantanée, jusqu'à une faible scintillation d'une demi-heure. Bien que nous travaillions sans grande ardeur et comme un regret, il faut avouer que cette période fut la plus fructueuse de tout mon séjour sur le Cayambé. Mais elle se termina soudain, d'une manière imprévue, fantastique et effrayante. Au commencement d'août, je vis entrer dans le laboratoire Lord Charlesbury, plus fatigué et plus vieilli que jamais. « Mon cher ami, » fit-il négligemment, « ma mort est proche, et je sens renaître en moi de vieux préjugés. Je désire mourir et être enterré en Angleterre. Je vous laisse un peu d'argent, toutes les constructions, les machines, les ateliers, le terrain. En juger par ce que je dépensais, les fonds devront vous suffire pour 2 ou 3 ans. Vous êtes plus jeune et plus énergique que moi. Vous arriverez au but. Notre bon ami Hitstone vous soutiendra avec plaisir au premier appel. Réfléchissez. » Cet homme m'était depuis longtemps devenu plus cher qu'un père ou un frère, qu'une mère, une femme ou une sœur. C'est pourquoi je lui répondis avec une conviction profonde « Mon cher maître, je ne vous quitterai pas une seconde. » Il m'étreignit et m'embrassa sur le front. Le lendemain, il convoqua tous les ouvriers et serviteurs et leur paya d'avance 2 années de gage. Puis il leur déclara que son œuvre était achevée et leur enjoignit de quitter le Cayambé dès le jour même. Ils s'en allèrent, contents et ingrats, goûtant d'avance les joies de l'ivresse et de la débauche dans les nombreuses maisons de joie de Quito. Seul mon assistant, le slave silencieux, albanien ou sibérien, je n'en sais trop rien, se refusa longtemps à abandonner son maître. « Je resterai avec vous jusqu'à ma mort ou la vôtre, » répétait-il obstinément. Mais Lord Charlesbury lui dit, en le fixant d'un regard persuasif et presque sévère, « Je rentre en Europe, Mr. Pierre. Qu'importe, je vous suivrai. Vous savez pourtant ce qui vous attend, Mr. Pierre. Oui, le gibet. Mais cela ne m'empêchera pas de vous suivre. J'ai toujours ri à part moi de vous voir songer à la félicité d'individus qui vivront dans des millions d'années, mais je ne l'ai dit à personne. Et quand je vous eus connu à fond, j'ai compris que l'être humain avait d'autant plus de valeur que l'humanité en avait moins. Aussi me suis-je attaché à vous, tout comme un vieux chien teigneux, affamé, vagabond et aigri lèche la première main qui le caresse sincèrement. Et c'est pourquoi je ne vous quitterai pas, basta. » Stupéfait et enthousiasmé, je considérais ce brave homme, que j'avais jugé jusqu'alors totalement incapable de tout sentiment élevé. Mais le maître lui enjoignit doucement, « Non, vous me quitterez, et tout de suite même, votre amitié m'est chère. J'estime fort votre ardeur au travail. Mais je vais même mourir dans mon pays. Les souffrances que vous pourriez endurer ne feraient que rendre plus pénibles mes derniers moments. Soyez homme, Pierre. Prenez cet argent, embrassez-moi et disons-nous adieu. » Ils s'étreignirent. Pierre, le sévère et rébarbatif Pierre, couvrit de baisers passionnés la main de Lord Charlesbury. Puis il s'éloigna de nous sans se retourner, presque en courant, et disparut derrière les bâtiments. Je regardai le maître. Il pleurait, le visage caché dans ses mains. 3 jours plus tard, nous naviguions de Guayaquil à Panama, à bord de ma vieille connaissance, le vapeur Gonzales. La mer était calme, mais nous avions le vent en poupe et le capitaine vint au secours de la faible machine en faisant hisser les voiles. Je ne quittais pas la cabine de Lord Charlesbury. Sa santé m'inspirait de sérieuses inquiétudes et parfois même, je me demandais s'il ne perdait pas l'esprit. Je le considérais avec une pitié impuissante. J'étais surtout frappé de le voir revenir invariablement, toutes les 2 ou 3 phrases, à la cuvette 21B laissée par lui sur le caillambé et répéter chaque fois en se tordant les mains « Est-il possible que j'aie pu l'oublier ?» Mais peu à peu, ses discours devinrent plus suivis et s'imprégnèrent à nouveau d'une noble mélancolie. « Ne croyez pas, disait-il, qu'une mesquine aventure personnelle m'ait fait renoncer à suivre la voie laborieuse de recherches acharnées et de sublimes aspirations que j'avais si patiemment frayées pendant toute ma vie consciente. Mais sous l'impulsion des circonstances, j'ai réfléchi et j'étais amené à envisager les choses sous un autre angle que jusqu'alors. Il est dur, croyez-moi, de devoir à 65 ans réviser sa conception du monde. J'ai compris, ou plutôt senti, que l'humanité future ne valait ni nos soucis, ni nos travaux, ni nos sacrifices. Elle dégénère et devient d'année en année plus débile, plus corrompue, plus impitoyable. La société tombe sous la domination du plus cruel des despotes, le capital. Les trusts, spéculant dans le repère public sur le blé, la viande, le pétrole, le sucre, créent une génération de polichinelles milliardaires que côtoieront des millions de loqueteux affamés, de voleurs et d'assassins. Il en sera éternellement ainsi. Et mon idée de prolonger l'existence de la Terre deviendra la proie de quelques gredins qui emploieront mon soleil liquide à la fabrication d'obus ou de bombes d'une force explosive insensée. Et cela, je ne le veux pas. Ah, mon Dieu, cette cuvette! Est-il possible que je l'ai oubliée? Est-ce vraiment possible? S'écria soudain Lord Charlesbury en se prenant la tête dans ses mains. Qui vous trouble ainsi, cher maître? Manquis-je. Voyez-vous, mon cher Henri? Je crains d'avoir commis une petite, mais peut-être fatale. Je n'entendis plus rien. Une gigantesque flamme dorée jaillit soudain à l'Orient. Le ciel et la mer se noyèrent pour un instant dans un éblouissant météore, et aussitôt, un abasourdissant coup de tonnerre et un tourbillon embrasé me précipitèrent sur le pont. Je perdis conscience et ne revins à moi qu'en entendant la voix de Lord Charlesbury penchée sur moi. « Vous avez été aveuglé. » « Oui. » Je ne vois plus que des cercles irisés devant les yeux. Mais c'est une catastrophe, maître. En seriez-vous l'auteur? L'auriez-vous permise? Ne l'aviez-vous pas prévu? Il posa doucement sur mon épaule sa belle main blanche et me dit d'une voix profondément tendre, et le contact de sa main ainsi que le ton assuré de ses paroles me calmèrent subitement. N'avez-vous pas confiance en moi? Attendez. Fermez bien les yeux et tenez-les cachés dans la paume droite jusqu'à ce que j'aie fini de parler, ou que vous ne perceviez plus d'étincellement lumineux. Puis, avant de les rouvrir, mettez les lunettes que je vous glisse dans la main gauche. Ce sont de fortes conserves. Écoutez maintenant. Je croyais que, pendant cette courte période, vous aviez appris à me connaître beaucoup mieux que mes proches n'ont jamais pu le faire. Ne fût-ce que pour vous, mon véritable ami, je n'aurais pas chargé ma conscience d'une cruelle et inutile expérience qui entraînera peut-être la mort de milliers d'individus. Au reste, qu'importe l'existence de ces nègres débauchés, de ces Indiens ivrognes et de ces Espagnols dégénérés. Que toute la République de l'Équateur, avec ses bavardages, son mercantilisme et ses révolutions, s'engloutissent dans l'enfer et qu'un gouffre immense se creuse à sa place, ni la science, ni l'art, ni l'histoire n'y perdront rien. Je regrette pourtant mes chères mules, si fines et si patientes. En toute conscience, je n'aurais pas hésité, je l'avoue, à sacrifier 1 million des plus précieuses vies humaines, la vôtre y comprise, au triomphe de mon idée, si j'avais été convaincu de sa justesse. Mais ne vous ai-je pas dit, il y a 5 minutes, que j'avais définitivement cessé de croire l'humanité future susceptible de félicité, d'amour et d'esprit de sacrifice? Pouvez-vous penser que j'ai voulu me venger sur une infime portion de l'humanité de mon énorme erreur philosophique? Non. Ce que je ne me pardonne pas, c'est une faute purement technique, une faute digne du premier ouvrier venu. Je ressemble à un contremaître qui, après 20 années passées auprès d'une machine compliquée, se laisse aller à rêver de ses affaires de famille, et dans sa préoccupation n'entend plus le rythme de la machine. Et voilà qu'une courroie de transmission vole en éclats et blesse à mort quelques ouvriers. Voyez-vous, depuis 3 jours, une irritante pensée me harcelait. Il me semblait avoir oublié par distraction, la première en 20 ans, d'arrêter le mouvement d'horloge de la cuvette 21B et même avoir amené l'aiguille sur l'indication « explosion complète ». Et ce cauchemar m'a poursuivi jusqu'ici. Je ne m'étais pas trompé. La cuvette a sauté et la détonation a fait exploser les autres réservoirs. Nouvelle faute. Avant de conserver un aussi énorme stock de soleil liquide, j'aurais dû, fût-ce au péril de ma vie, expérimenter la puissance explosive de la lumière condensée. Maintenant, regardez de ce côté. Et ce disant, il me tournait doucement mais fermement la tête vers l'Orient. Enlevez votre main et lentement, tout lentement, ouvrez les yeux. Ma vue semble avoir acquis cette extraordinaire lucidité qui précède, dit-on, les moments suprêmes. Et voici le spectacle que j'aperçus. À l'Orient, un immense embrasement dont les flammes s'élevaient et s'abaissaient dans un rythme respiratoire, la vapeur donnant de la bande, les vagues déferlant par-dessus les bastingages, la mer démontée couleur de sang, le ciel nuageux couleur de pourpre, et un beau visage calme encadré de cheveux gris soyeux et dont les yeux étincelaient comme des étoiles mélancoliques. Un vent suffocant soufflait du rivage. Un incendie ? Demandai-je mollement, comme en songe, et je me retournai vers le sud. Le sommet du Cayambé disparaissait dans une épaisse fumée où flamboyaient de rapides éclairs. Non, mais une éruption de notre bon vieux volcan. L'explosion de soleil liquide l'a réveillé lui aussi. Quelle force tout de même, et dire que la voile a perdu. Je ne comprenais plus rien. Ma tête tournait, et j'entendis à mes côtés une voix étrange, douce comme celle d'une mère, impérieuse comme celle d'un despote. Asseyez-vous sur ce cabestan. Et exécutez aveuglément ce que je vais vous ordonner. Enfilez immédiatement cette ceinture de sauvetage. Nouez-vous-la solidement sous l'aisselle de manière à ce qu'elle ne gêne pas la respiration. Mettez dans votre poche de côté ce flacon de cognac et ces 3 tablettes de chocolat. Prenez cette enveloppe de parchemin contenant de l'argent et des lettres. Dans quelques instants, le Gonzalez va être culbuté par un effroyable raz-de-marée tel que le monde n'en a sans doute jamais vu depuis le déluge. Couchez-vous à tribord, c'est cela. Agrippez-vous des pieds et des mains au bastingage, parfait. Votre tête est protégée par le blindage. Cela vous empêchera d'être assourdi par le coup. Quand vous sentirez la lame se précipiter sur le pont, tâchez de retenir votre respiration pendant 20 secondes, puis jetez-vous à droite. Et que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je puis vous souhaiter et recommander. Cependant, s'il est écrit que vous deviez périr si jeune et d'une mort si absurde, je voudrais vous entendre me dire auparavant que vous me pardonnez. Je ne ferai cet aveu à personne d'autre, mais je sais que vous êtes anglais et un véritable gentleman. En entendant ces paroles pleines de sang-froid et de dignité, je parvins enfin me maîtriser et trouver la force de lui répondre tranquillement en lui serrant la main. Croyez, mon bien cher maître, que nulle félicité terrestre ne pourrait remplacer les belles heures que j'ai vécues sous votre sage direction. Laissez-moi seulement vous demander pourquoi vous ne songez pas à votre salut. Je le vois encore, adossé au coffre de la boussole de réserve, tandis que le vent tiraillait ses vêtements et houspillait sa barbe blanche, fantomale sur le fond rouge de l'éruption volcanique. À cet instant, je m'aperçus que notre navire était presque couché sur le bord et que des rafales glacées, surgissant impétueusement de l'ouest, avait chassé les asphyxiantes bouffées chaudes. « Eh !» repartit un de l'amant Lord Chasbury, de la main esquissant un geste fatigué. « Je n'ai rien à perdre. Je suis seul au monde. Vous êtes l'unique être auquel je sois attaché, et je vous expose à un danger mortel auquel vous avez juste une chance sur 1 million d'échapper. Je suis riche, il est vrai, mais je ne sais que faire de ma fortune, à moins... » Et une mélancolique ironie fit trembler sa voix. À moins de la répartir entre les indigents du comté de Norfolk et d'aider ainsi à la multiplication d'une bande de fainéants et de mendiants. Je suis savant, mais ma science vient, comme vous le voyez, de subir un lamentable échec. Je suis énergique, mais je ne saurais plus maintenant trouver de champ à mon énergie. Non, mon cher ami, je ne me suicide pas. Si je dois cette nuit échapper à la mort, j'emploierai le reste de mon existence à cultiver modestement des asperges, des artichauts et des melons, dans quelque modeste domaine situé le plus loin possible de Londres. Et si je dois mourir, il se découvrit, et l'aspect de ses cheveux flottant en banc, de sa barbe hérissée, de ses yeux tristes et caressants, le son de sa voix puissante comme un jet d'orgue, me produisirent une étrange impression. Et si je dois mourir, je remets avec résignation mon corps et mon âme aux mains du Dieu éternel. Puisse-t-il me pardonner les égarements de mon faible esprit humain ? Amen, répondis-je. Il tourna le dos au vent et alluma un cigare. Sur le ciel empourpré, sa silhouette noire prenait les contours d'une apparition fantastique et merveilleuse. Je perçus l'exquise odeur de délicieux Havane. Préparez-vous, il ne reste plus qu'une minute ou deux. Vous n'avez pas peur? Non, mais l'équipage, les passagers, je les ai prévenus pendant votre évanouissement. Mais ils sont tous ivres, il n'y a pas une seule ceinture de sauvetage sur le bateau. Je ne crains rien pour vous, vous portez un talisman à la main. J'en avais un tout semblable, mais je l'ai perdu. Eh, tenez-vous bien, Henri. Je me tournai vers l'est, et une horreur mortelle me stupéfia. Une énorme lame, haute comme la tour Eiffel, toute noire et crêtée d'une écume rosâtre, fondait du rivage sur notre coque de noix. Un hurlement, un frémissement, et le monde entier parut s'écrouler sur le pont. Je m'évanouis de nouveau et ne revins à moi qu'au bout de quelques heures, dans la barque de pêche qui m'avait sauvé. Mon bras gauche estropié était grossièrement bandé d'un chiffon, et ma tête emmitouflée de guenilles. Au bout d'un mois, complètement remis de mes blessures et de mon ébranlement moral, je faisais route pour l'Angleterre. Le récit de mes étranges aventures est terminé. J'ajouterai seulement que j'habite maintenant le quartier le plus retiré de Londres, et suis dorénavant à l'abri du besoin, grâce à la générosité de feu Lord Shrewsbury. Je suis toujours passionné de questions scientifiques et donne des leçons particulières. La plus étroite amitié m'unit à Mr. Nitson. Chaque dimanche, nous dînons à tour de rôle l'un chez l'autre et portons toujours notre premier toast en l'honneur et à la mémoire du grand Lord Shrewsbury. H. Dibble. P.S. J'ai eu soin de mon récit de changer tous les noms propres. Ainsi s'achève Le soleil liquide par Alexandre Couperine.